Mais le dimanche, on allait se promener avec quelques copains. Et puis alors, quand j'ai été un peu plus grand, je suis rentré à la musique municipale, comme votre papa. C'est ça, oui. Alors là, c'était déjà plus intéressant, et on faisait des sorties avec la musique. Quand c'était des fêtes, ma foi, on était sortis aussi. La Sainte-Cécile, la musique y participait, il y avait la messe de Sainte-Cécile. Vous jouiez de quel instrument? Du saxophone. Comme du saxophone. Du saxophone. Saxophone ténor. Notre papa aussi, on était côte à côte. Mais j'ai encore des photos de la musique, je certainement tu, mais je ne peux pas.